Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquin, qui est assisté de Marie-Françoise. Cette émission est diffusée en direct le lundi 8 octobre de 18h à 21h, en différé le mardi 9 octobre dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net. Bonsoir, chers auditeurs. Vous écoutez en direct. Bonne nuit à ceux qui nous écouteront demain matin. Bonne nuit à ceux qui nous écouteront cette nuit et bonjour à ceux qui nous écouteront demain matin, décidément. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Vincent Berteret et Anne Brassier qui vont nous parler de Brecht et qui vont nous parler aussi d'abord de leur prochaine émission qui commence demain. Alors, le sujet de cette deuxième partie de l'émission, c'est Brecht est-il fatal au théâtre ? Et je voudrais que Vincent Berteret et Anne Brassier se présentent un peu plus aux auditeurs parce qu'à partir de demain soir, à 21h30, ils vont inaugurer un libre journal de la nuit du mardi, qui sera donc diffusé en direct de 21h30 à 23h et rediffusé deux jours après à la même heure, donc le jeudi. Leur émission s'appelle « Les tréteaux de la France courtoise ». Et donc, Vincent Berteret, est-ce que vous pouvez, non pas de présenter tout de suite votre émission, mais vous présenter vous-même, nous dire un peu votre histoire personnelle, votre carrière. Et les auditeurs connaissent mieux Anne Brassier, c'est pour cela que elle complétera ensuite, mais ils ne vous connaissent pas encore très bien. Bonsoir Henri de Lesquin, je vous remercie de m'accueillir ce soir. Et pour répondre à votre question, j'ai toujours une certaine gêne évangélique. Lorsque les pharisiens demandent au Christ qui il est, Vous me comparez avec un pharisien, si je comprends. Enfin, la première définition, ça commence mal. La première définition très rapide, c'est que nous sommes des amis de Serge. Des amis de Serge, et avec cette grande tristesse dans cette amitié, c'est de savoir que nous ne pourrons jamais aussi bien parler de lui qu'il savait parler des autres. Nous ne saurons jamais porter sa mémoire aussi haute qu'il savait exalter tout ce qu'il disait de tout un chacun, cette façon qu'il avait de se retirer derrière le sujet qu'il traitait, de se retirer devant l'interviewé, et faisant preuve d'aucun ego, il apparaissait avec une personnalité magnifique. Et c'est à cette personne qui, en plus, nous sommes ici dans le même cas, qui était un ami proche, que nous dédierons beaucoup de nos émissions. Alors votre expérience, vous ne voulez pas penser à cette affaire de pharisien. Non, vous parliez de vous. Mais quand on demande à quelqu'un qui il est, en fait, on veut savoir. Je ne demande pas qui vous êtes, je demande ce que vous avez fait, en fait. Parce que savoir qui vous êtes, ça, c'est un problème métaphysique qui nous dépasse. Alors, dans ce cas-là, parfait. J'ai eu cette chance de d'être dans une famille où l'ouverture d'esprit était assez totale et qui m'a permis de faire des études assez étonnantes, de la maîtrise de physique à l'école du Louvre, en passant par pas mal d'autres universités et écoles, et qui m'a permis de tenter toujours de répondre à une question fondamentale pour moi, qui est pour savoir pourquoi l'art me touche. L'art étant certainement en soi quelque chose qui motive certainement de dévouer sa vie, mais aussi parce que l'art est une caractéristique très essentielle de notre Occident. Quand on parle d'art dans des pays extra-européens ou extra-occidentaux, on fait de l'impérialisme culturel. Croire que les Chinois, les Japonais pratiquent les sons en faisant de la musique et en pratiquant un art, c'est faire de l'impérialisme. Pour eux, la musique, les sons n'ont pas du tout la même signification. Mais pour vous, l'impérialisme, c'est mauvais par nature. Oui, je suis assez... J'ironise un peu, mais franchement, l'Empire français n'avait pas seulement de mauvais côtés. Bon, passons. Donc, vous estimez qu'il faut respecter la diversité culturelle. Très bien. En tout cas, il me semble très important à l'époque d'aujourd'hui où on se plaint de certaines choses et certainement pas tout à fait à raison, on est tout à fait d'accord sur ce que pouvaient être les empires. Je crois qu'il est un peu étonnant que, simultanément, on veuille absolument qualifier d'art ce que des Africains ou des Asiatiques ont fait et qui n'a rigoureusement rien à voir avec. Mais M. Chirac appelait ça les arts premiers. Les arts comment ? Premiers, pour ne pas dire primitifs. Mais c'est le lézard qui m'intéressait. C'est un lézard, non. Donc, je suis toujours attaché à cette question avec une grande volonté. Et ça m'a amené à faire des activités un peu diverses. Dans le domaine plus précis dont nous parlons, j'ai d'abord fait le Conservatoire de Paris et je me suis aperçu assez rapidement que je n'étais pas un très excellent chef d'orchestre. Je veux dire par là que pour être un excellent chef d'orchestre, il faut rentrer en direction d'orchestre comme en religion et que j'étais beaucoup trop préoccupé de trop de choses pour m'y donner de la sorte. Mais en revanche, j'ai donc été producteur à France Musique, responsable des émissions lyriques de France Culture pendant une période assez longue, et d'autant plus que j'étais entré très jeune, mais qui a vraiment soudainement pris fin un certain 11 mai 1981. Ah, vous n'étiez pas de gauche. Non, je n'étais pas vraiment de gauche, non. Comme c'est curieux. À l'époque, j'étais aussi directeur artistique d'un festival lyrique, qui était une chose très surprenante, puisque nous montions des opéras, entre autres. Nous faisions cela à Ajaccio, et puis nous les faisions tourner comme du cirque. Je veux dire par là que nous donnions ces représentations dans une quarantaine de villes françaises, transportant les décors dans un gros 35 tonnes, etc., mais avec des artistes internationaux, qui était évidemment très intéressé par le fait qu'il répétait un opéra pour le donner 45, 50, 55 fois, ce qui est un bonheur, parce que plus on chante les mêmes œuvres, plus on joue les mêmes œuvres, plus on les approfondit, et surtout, nous donnions surtout Mozart, plus on chante Mozart, plus on s'aperçoit qu'on a envie de chanter Mozart et que ça vaut vraiment la peine d'y consacrer sa vie. Cette opération-là, qui était très sociale, puisque nous allions aussi bien au Théâtre des Champs-Élysées qu'au petit théâtre de Saint-Quentin dans le Nord, dans lequel il n'y avait pas de coulisses, nous nous rendions absolument partout. Cette opération très sociale n'a pas non plus beaucoup plu aux socialistes qui m'ont demandé d'aller voir ailleurs, comme par hasard aussi vers le 11 mai 81. Voilà. Par ailleurs, donc, j'ai travaillé sur la seconde partie de mes activités, qui est la philosophie de l'art, l'esthétique, pour lequel j'ai été amené à enseigner ou à faire des conférences dans de nombreux pays, et à faire aussi des découvertes un peu surprenantes, dont la plus connue, en tout cas celle qui a été publiée à ce jour, touchait mes découvertes sur le domaine de Versailles. Ah oui, alors vous avez écrit, et vous savez que Vincent Berteret, je crois que la première fois que je vous ai rencontré, on va pas faire d'erreur, dites-moi si je fais une confusion, vous vendiez votre livre dans la rue, si je puis dire. Non, c'était pas la première fois. Vous dédicaciez votre livre. Dans un parapluie, Vincent. Vous dédicaciez votre livre du côté de la rue de la Paroisse à Versailles, et c'était votre livre sur les jardins de Versailles. Oui. Il s'appelle, comment donner les références de ce livre ? Il s'appelle Versailles, des jardins versailleurs. Versailles, pardon ? Des jardins versailleurs. Louis XIV faisait ce jeu de mots. Il le faisait en latin, alio versum. Vous aimez bien les calembours, oui. Il aimait les calembours bons. Ouais, c'est normal, évidemment. Nous étions rencontrés la première fois en déjeunant ensemble à l'époque de 83-84 pour le Club de l'Horloge. Eh oui. Voilà. Mais là, effectivement, j'avais signé dans la rue, effectivement, avec quelques autres auteurs, nous signions des œuvres d'auteurs, disons, d'auteurs de la région. Ah, c'était bien, oui. Ah, c'est une très, très, très, très belle initiative. Et donc, ces travaux que j'ai faits sur Versailles, qui relèvent de. Qui ont fait appel, au bout du compte, à l'ensemble des connaissances que j'ai eu la chance d'acquérir par l'ensemble de mes études, puisque pour comprendre ce domaine de Versailles, j'ai fait une constatation assez horrible. J'ai eu le malheur de faire mes études de philo un peu alentour de mai 68. C'est-à-dire que si on ne voulait rien apprendre, rien savoir, il n'y avait pas de meilleure solution que de faire de la philo à ce moment-là. Il suffisait d'être contre la peine de mort, et déjà on avait droit à certains titres. Pour peu qu'on ajoute Sartre, le plus intelligent de nos intellectuels français, on avait quasiment la maîtrise. Il fallait le dire avec un ton encore plus emphatique pour avoir le DEA. Le doctorat est un peu plus compliqué. Donc, ayant été un peu désespéré de ne pas avoir acquis quoi que ce soit en réalité par ces études-là, j'ai pensé que pour avancer dans ma découverte de l'impact de l'art, le mieux était de travailler par moi-même. Et c'est à cette occasion qu'officiellement, j'ai travaillé sur Versailles. Alors Anne Brassier, les auditeurs vous connaissent bien, vous apprécient, vous écoutent. Et vous avez eu envie depuis un certain temps de faire avec Vincent Berteret une émission sur le théâtre. Il restait à trouver la place dans la grille de Radio Courtoisie. Et donc je pense que c'est un projet que vous avez fait parce que vous aimez le théâtre. Le théâtre et la musique. Je voulais terminer le portrait de Vincent en disant que c'est un grand pianiste. Vincent joue du piano merveilleusement. Tous les talents. Voilà. Ça, c'est de la première petite précision. Donc, Vincent était en effet l'homme idoine par sa connaissance et sa connaissance du terrain. Parce que moi, je suis une spectatrice depuis l'âge de, je crois, 8 ou 9 ans, où j'ai vu les Indes galantes de Rameau parce que j'avais une tante malade et on m'a offert sa place à l'opéra. Mais je ne suis qu'une spectatrice, alors que Vincent Berteret est un acteur. Un acteur au sens un acteur au sens qu'il agit. Je trouvais qu'il fallait en effet donner la place à. C'est une vieille idée que je partageais avec un ami de la radio qui lui aussi nous a quittés et qui était Vladimir Volkov. Vous savez que Vladimir Volkov a toujours écrit des pièces de théâtre durant son long exil en volontaire aux États-Unis, aux côtés de sa femme. Il écrivait des pièces de théâtre et il mettait en scène des pièces de théâtre. Son véritable amour, sa passion, c'était le théâtre. J'en ai vu une seule, c'était son Yalta. Et son Yalta qui avait été monté autrefois fabuleux à Antony par mon ami Le Gallou lorsqu'il était adjoint de Devedjian, chargé des affaires culturelles dans la mairie d'Antony. Toutes les pièces de Volkov sont remarquables, l'interrogatoire. Et s'il a écrit des romans, c'est parce qu'il s'est rendu compte que le public préférait lire des romans plutôt que des pièces de théâtre. C'était plus facile. Et donc, il s'est résigné à écrire des romans. Mais il était un homme de théâtre. Et donc, ensemble, après les émissions, nous caressions l'idée de monter des pièces de théâtre à la radio. Ce qu'il a fait, d'ailleurs, puisque les auditeurs de Radio Courtoisie ont eu la chance d'entendre Vladimir Volkov lui-même jouer son Yalta un soir. Il y a eu aussi une pièce excellente de Florence de Baudus dans laquelle, là aussi, Vladimir avait un rôle. Et c'est vrai qu'on était scotché à la radio pour écouter ces pièces. Et quand on ne pouvait pas l'être, on achetait la cassette à l'époque. Et durant les longs voyages, on se passait ces pièces de théâtre et c'était tout à fait extraordinaire. Voilà, donc, et présence du théâtre et puis aussi présence de l'opéra, parce que je reste effarée de. Que des tas d'hommes et de femmes en France marchent à côté de cette joie extraordinaire et que l'opéra n'est pas du tout donné aux enfants, n'est pas du tout expliqué, que les chaînes de télévision ont tendance à nous offrir ça à minuit, et voire une heure du matin, alors que c'est en Italie le spectacle le plus populaire qui soit. Tout le monde va au théâtre. Tout le monde va à l'opéra. Et historiquement, parce que aujourd'hui, effectivement, on a tendance à prendre l'opéra comme étant un spectacle réservé à une élite, et particulièrement à une élite financière, disons. C'est tellement cher qu'effectivement... Alors, en ce qui concerne le prix, nous verrons ça avec Brecht. Ouais. Mais auparavant, il faut savoir que, d'abord, à l'origine du théâtre, l'opéra est né en 1599. À l'origine, l'opéra était l'art le plus populaire qui soit et financièrement extraordinairement populaire, puisque j'ai une référence précise à Venise, où les théâtres ne sont pas les plus miteux du monde. Non. Eh bien, à Venise, avoir une place à l'année dans un des opéras de Venise coûtait le prix, le salaire d'un gondolier pendant une journée. En quelle année Donc, dans le XVIIIe siècle. Principalement, c'est l'époque où commencent à se donner les opéras de Vivaldi. C'était l'opéra le plus populaire, le spectacle le plus populaire, et on a de bonnes raisons de savoir que la musique n'a jamais adouci les mœurs, elle a tout juste adouci les morts, et qu'il n'y a certainement aucun art qui a fait autant de morts que la musique. Venise en était un témoignage très vivant. Petite anecdote amusante, quelle était la façon de succéder au directeur d'un opéra à Venise ? Il fallait l'assassiner, je suppose. Il fallait assassiner le prédécesseur, exactement comme être grand prêtre de Diane à Rome, 17 siècles plus tôt, il fallait assassiner le grand prêtre de Diane. Eh bien, la musique a toujours été un peu expéditive dans ses pratiques. Bon, heureusement que Didier Rochard... le patron du Libre Journal des Auditeurs et des Musiciens, se porte bien, sinon on pourrait être inquiet sur le sujet. Oui, Didier est un grand ami, on l'admire beaucoup. C'est quelqu'un que nous aimons beaucoup, mais vous savez, c'est toujours un phénomène un peu autostabilisant, ce genre de choses. Alors Vincent Berteret, expliquez-nous comment vous concevez votre nouvelle émission, donc vous montez comme une pièce de théâtre avec Anne Brassier. Alors, j'ai passé ma thèse de musicologie sur Franz Liszt, et... Franz Liszt m'a appris une chose très très importante, qui est une grande. Enfin, il a institutionnalisé une grande idée de Berlioz, qui est que c'est le contenu qui doit absolument dicter la forme. Ça ne veut pas dire qu'il fallait renier les formes qui existent, et de façon générale, en musique, les formes ont fait leur preuve. Mais vu que nous avons, somme toute, le désir de présenter des œuvres essentiellement différentes, nous aurons sans doute un mode de présentation très varié. Cela ira du fait que, par exemple, demain soir, nous aurons une pièce de Volkov qui sera lue entièrement. C'est une pièce fort courte. Je dirais hélas, parce qu'elle traite d'un sujet que nous aimons beaucoup, qui est Marie-Antoinette, par une artiste de talent. Oui, Sophie Demmler, oui. Qui était une amie de Vladimir Volkov, qui est une comédienne qui... a des intérêts extrêmement élevés, puisque elle joue tout Monterland, et c'est une... Voilà, vous allez démarrer avec Volkov. Commencer demain soir, donc à 21h30, avec rediffusion deux jours après à la même heure, par une pièce de Volkov qui s'appelle... Marie-Antoinette. Donc là, la pièce sera donnée dans son intégralité, et nous aurons... la chance, ayant la comédienne, de pouvoir intervenir, de poser quelques questions sur l'interprétation, sur la motivation, parce que la pièce est en elle-même prête à cela, c'est-à-dire que c'est une jeune comédienne qui souhaite avoir le rôle de Marie-Antoinette dans une production. Elle joue Marie-Antoinette, mais n'y a-t-il pas d'autre rôle dans cette pièce ? Ah non. Elle attend que le téléphone sonne pour avoir le rôle. C'est effectivement assez simple du point de vue de la distribution. Très astucieux de la part de... On ne peut plus simple. Un seul acteur. Il faut qu'il n'y a que le téléphone de Poulenc qui soit plus simple. Et donc, elle attend ce coup de téléphone, et le téléphone ayant sonné, elle n'a pas le rôle. Et donc, elle va avoir une autre vision de Marie-Antoinette. Elle va charger Marie-Antoinette de toute sa déception vis-à-vis du refus. Alors, ne déflorez pas votre émission de demain. Donc, Marie-Antoinette, Volkoff, chers auditeurs, soyez nombreux à venir l'écouter et faites savoir, bien sûr, à vos amis et relations, qu'il y a maintenant, toutes les quatre semaines, c'est la semaine A du cycle de quatre semaines des émissions de Radio Courtoisie. Toutes les quatre semaines, il y aura cette émission, Libre Journal de la Nuit, qui s'appelle « Les tréteaux de la France courtoise » avec donc Vincent Berteret et Anne Brassier. Alors, peut-être Marie-Françoise a-t-elle des questions, déjà ? Oui, vous écoutez Radio Courtoisie, le Libre Journal d'Henri de Lesquin, qui reçoit aujourd'hui Vincent Berteret, écrivain, et Anne Brassier, écrivain et directrice d'émission. Un auditeur, très bonne idée, ce nouveau Libre Journal de la Nuit. Un auditeur, sans doute parlerez-vous à propos de Brecht de la distanciation. Jean-François faisait souvent allusion à ce concept. Pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui n'ont pas lu Brecht, peut-être serait-il souhaitable que ce concept fût exposé. À propos du théâtre de Brecht, parlerez-vous ce soir de l'influence des idées de Gramsci concernant la mainmise des révolutionnaires sur les esprits. Un auditeur, M. Berteret, peut-il nous rappeler son livre concernant les massacres catholiques, de catholiques commis par les protestants bien avant la Saint-Barthélemy ? Alors je vous propose de commencer par répondre à la dernière question, Vincent Berteret, pour qu'ensuite nous puissions parler de Brecht, puisque vous êtes déjà interrogé sur Brecht avant même d'en avoir parlé. Alors le livre s'intitule « Frères réformés, si vous saviez ». Je resitue chronologiquement l'histoire des guerres de religion depuis le placardage par Luther de ses propositions sur les portes de la cathédrale de Wittenberg. Et ce livre donc s'appelle « Frères réformés, si vous saviez », édition AMDG. Et on le trouve en le commandant chez les libraires en général. AMDG. Et c'est un livre, c'est essentiellement, si je me rappelle bien... Un éphéméride, ce sont des citations. Ah non. Non, pas des citations, des faits. C'est très factuel. Et des petits commentaires. Oui, il y a des commentaires. Donc vous êtes aussi historien parmi tous vos talents. Moi, j'ai aussi fait de l'histoire. Vous êtes aussi historien, mais votre émission, ce ne sera pas une émission d'histoire, ce sera une émission de théâtre. De théâtre, d'opéra, de musique. De théâtre. Peut-être quelques titres pour allécher, Vincent. Ah ben oui. Parce que nous avons déjà eu une réunion... au sommet. De travail. Nous aimerions... le G2. Évoquer et entendre le vaisseau fantôme de Wagner, la damnation de Faust. De Berlioz. Nous aimerions donner la parole à Jean-Luc Génère et à ses comédiens qui a monté un cycle Shakespeare. Nous aimerions nous approcher de Péléas et Mélisande qui nous ensorcellent tous les deux. C'est plutôt Mélisande que Péléas. Et Péléas, magnifique aussi. Ouais. Nous aimerions aussi faire une émission sur Tchaïkovski que Vincent Berteret aime beaucoup, et moi aussi, et le faire avec une biographie peu connue de Tchaïkovski écrite par Vladimir Volkov. Et puis Turandot de Puccini, et puis voilà. Donc nous avons des projets merveilleux. Vous avez vraiment de merveilleux projets. Et donc vous passerez, j'imagine, de la musique beaucoup dans vos... Oui, donc, il y aura de la sera, musique. Quand vous dites que ce sera le théâtre et l'opéra. Absolument. Théâtre et opéra. Oui, oui. Et on aurait pu citer Marivaux, sur lequel nous aurons beaucoup à... Vous allez donc marivauder. Alors je voudrais que maintenant nous parlions de Brecht, puisque vous êtes interpellé sur Brecht, puisque notre sujet, le sujet qu'il nous faut traiter, c'est celui que nous avons proposé aux auditeurs. Brecht est-il fatal au théâtre ? Alors, Vincent Berteret, vous voulez commencer par la distanciation ? On vous interpelle là-dessus ? La distanciation, on ne peut pas parler de Brecht sans parler de distanciation. C'est un des fondements du théâtre de Brecht. Mais je ne pense pas que ce serait très bon de commencer par là. Il ne faut pas commencer par là. Alors, cher auditeur qui avait interrogé Vincent Berteret sur la distanciation, distanciez-vous un petit peu, vous allez attendre un peu pour avoir la réponse. Non, je crois qu'il faut comprendre qu'il y a une histoire du théâtre qui se développe sur, grosso modo, 23 siècles. Et rien ne nous prouve d'ailleurs qu'avant Aristote, il n'y avait pas de théâtre. Que les fondements du théâtre ont été précisés par Aristote dans l'Organon. Et que ces fondements ont été respectés amendées, modifiées, mais elles ont siégé à l'élaboration du théâtre sans discontinuer depuis. Et que dans cette histoire du théâtre, il y a tout à coup M. Brecht. Alors, ce qui est amusant, c'est de savoir que Brecht, en allemand, ça veut dire la cassure. Ah, je l'ignorais. Oui. Et oui, et que cette cassure... La rupture, comme dirait Sarkozy. Eh bien, c'est aussi une rupture de la voulue en tant que telle. Oui, l'allemand n'est pas assez riche pour faire la différence entre les deux mots. C'est une rupture, mais en fait, elle n'est pas rigoureusement due à Brecht. Il y a avant, effectivement, deux personnages très importants, Piscator et Gramsci. Gramsci n'était pas un dramaturge. Pas du tout. C'était un vrai politique pur. Mais en tant que tel et en tant que marxiste militant et œuvrant... Un peu hétérodoxe, entre parenthèses. Hein. Mais bon, passons. Eh bien, en tant que tel, il savait fort bien ce que certaines parties de droite ont largement oublié. C'est que tout ce qui touche à la culture est, de même que ce qui touche à l'éducation, à l'instruction... fondamental. C'est à ce moment-là qu'on fabrique le futur citoyen, donc que l'on fabrique le futur électeur. Et Gramsci avait parfaitement saisi que c'était en prenant, faisant mainmise sur tout ce qui était culturel, qu'on pourrait se fabriquer les générations d'électeurs dont on avait besoin. Et il a écrit tout ça en prison, parce qu'il est resté 20 ans en prison dans l'Italie fasciste. Il y est mort, d'ailleurs, je crois, dans l'Italie fasciste. Ce qui prouve que la prison de Benito Mussolini n'était pas si sévère que cela, puisqu'il avait quand même de quoi écrire ses théories subversives. Oui, je trouve que Benito Mussolini n'a pas été assez expéditif. Excusez-moi, mais... Bon, je ne souhaite pas la mort de son prochain. C'est très mal. En revanche, il y avait un homme de théâtre qui était Erwin Piscator, qui... Piscator, oui. Piscator, italien. Lui aussi, italien aussi, mais avec un prénom ambigu. Son prénom, c'était Erwin. Ah oui, Erwin. Alors Erwin ou Erwin, je n'ai pas d'opinion sur la question. Piscator avait parfaitement saisi, d'ailleurs c'est une phrase qui nous vient de Voltaire, « Le théâtre enseigne mieux que ne le ferait un gros livre ». Il avait parfaitement saisi que le théâtre pouvait être ce vecteur, un vecteur privilégié de communication et donc d'éducation. Seulement, sa participation à cette idée s'en est à peu près tenue là. Celui qui a mis dans les faits, qui a réalisé cette idée, et on peut le dire, avec génie, C'est une très grande intelligence que Brecht. Bertolt Brecht. C'est une très grande intelligence, c'est un très grand stratège. C'est une personne qui fait preuve d'une infinie finesse psychologique. Il a parfaitement saisi quels étaient les ressorts qu'il fallait mettre en œuvre pour pouvoir parvenir à ses fins. Et donc, Brecht s'est lancé, lui, et très jeune, puisqu'il a commencé à 20 ans, et par une pièce efficace d'ailleurs, Bâle. Il a commencé à 20 ans à travailler en ce sens. Alors, à un cheval près, il a 20 ans en 1918, disons, hein, 1918-1920. Époque à laquelle il appartient au mouvement spartakiste allemand. C'est-à-dire le parti communiste allemand... C'est exclusif. Je faisais référence au chef des esclaves révoltés, Spartacus, mais c'était le Parti communiste. Et cette référence, d'ailleurs, convient tout à fait à Brecht, parce que ce n'est pas lui qui avait appelé spartakiste ce mouvement, mais la révolte des esclaves, c'est vraiment la révolte des ignorants contre le savoir. On ne peut pas ramener l'affaire de Spartacus à cela, mais il y a cette vision du non-connaissant par rapport au connaissant, qui est très inhérente à l'idée de Spartacus, et que Brecht va, en tout cas, bien développer. Il commence donc à 20 ans par écrire cette pièce Baal, dans laquelle il commence à mettre en place, à présenter ce que sera le théâtre brechtien. Et je demanderai à nos auditeurs de vouloir bien comprendre qu'il y a le théâtre brechtien, qui sont donc les pièces écrites par Brecht selon les modalités de Brecht, et qu'ensuite, Brecht proposera non seulement d'écrire des pièces dans la même optique, mais de transformer les pièces du répertoire selon le mode brechtien. Ah, la transformation de Brecht. Nous parlions de mathématiques tout à l'heure. Eh bien, c'est une mathématique idéologique. Oui, avec des algorithmes, absolument. Absolument. C'est appliqué sa grille. Est-ce que ça a été fait sur une grande échelle, cette transformation? Est-ce que Andromaque de Racine a été transformé en pièce brechtienne? Alors, je n'ai pas vu de lecture brechtienne d'Andromaque, mais je serais surpris qu'il n'y en ait pas eu. En tout cas, il y a des mises en scène, nous en parlerons, nous donnerons des exemples, mais des mises en scène brechtiennes qui sont manifestes et qui martyrisent les pièces du répertoire classique. Oui, c'est ça. Classique. C'est la mise en scène, ce n'est pas la réécriture de la pièce. Ah non, quand on parle de lecture brechtienne, à de rares exceptions près, il ne s'agit pas de changer le texte en lui-même, quoique... On l'a fait avec... Quoique, avec j'ai un exemple qui est absolument terrifiant. C'est par la Comédie française, il y a une trentaine d'années, cette pièce magnifique qui s'appelle « Le jeu de l'amour et du hasard ». Cette pièce dans laquelle il n'y a pas un mot qui soit en dehors de l'intrigue elle-même. Dans laquelle il n'y a pas un mot qui, pour quelque effet que ce soit, dénaturerait la réalité psychologique de chacun des protagonistes. Eh bien, dans cette pièce magnifique, je rappelle en deux mots, deux pères, vieux amis, décident de marier leurs enfants, et les deux enfants décident de présenter chacun leur domestique ou leur valet à leur place, en prenant eux-mêmes les places de domestique ou de valet. On comprend bien que cette pièce tient d'abord parce qu'il y a une relation forte, une relation d'amitié, de confiance entre la jeune fille et sa suivante et sa servante, entre le jeune homme et son valet. Le moindre iota d'écart entre ces deux personnes et la pièce s'effondrerait. Eh bien, à la Comédie française, on s'est permis d'ajouter une scène supplémentaire. Incroyable. Dans laquelle le valet venait dire qu'il n'avait pas réussi quelque chose qui n'avait jamais été demandé par Marivaux, et dans lequel le maître bottait les fesses de son valet. C'est-à-dire que d'un seul coup, toute la profondeur, toute la finesse de Marivaux s'effondre. Et pourquoi? Pourquoi faire une chose pareille? Mais parce qu'il était insupportable pour la Comédie française, dans son optique politique, d'imaginer qu'au XVIIIe siècle, il ait pu y avoir une relation franche, sincère, profonde entre un domestique et son maître, et qu'il fallait donc faire cette sorte de lutte des classes avec ses coups de pied déplacés. Est-ce que je peux vous donner des exemples que j'ai vécu comme spectateur? Alors peut-être que vous les trouverez élémentaires, mais ce qui me frappe surtout, c'est à l'opéra. La mise en scène à l'opéra, c'est hallucinant, pas toujours. Alors, il y a des mises en scène qui sont très mauvaises, d'autres qui sont simplement insupportables idéologiquement. Mais qui ont une certaine beauté. Je me rappelle la mise en scène de Faust, de Gounod, par Lavelli, qui était un communiste. Bon. Oh, nous connaissons bien bon. Lavelli. Alors, c'est une mise en scène qui est régulièrement reproduite depuis 20 ans, c'est toujours la même. Et une chose particulièrement m'avait frappé, c'est le cœur des soldats, que d'ailleurs j'avais pris autrefois comme indicatif du livre journal des idées politiques, oui. Qui est toujours l'indicatif. C'est gloire immortelle de nos aïeux. Oui. Donc, évidemment, ce sont des soldats héroïques qu'on admire pour leur courage, qui sont blessés, mais qui sont héroïques. Dans la mise en scène de Lavelli, c'était des espèces de clochards, de vagabonds, de SDF, misérables, qui étaient méprisables. Autrement dit, la volonté du metteur en scène, c'était de rendre ridicules et méprisables les sentiments héroïques, par la mise en scène. Et il y arrivait dans une certaine mesure, malgré la beauté de la musique, qui n'était pas défigurée, qui était superbe, malgré la beauté des paroles, un peu emphatique peut-être, mais très belle, très, très pure, eh bien, il y avait cette intention du metteur en scène qui est de contredire l'auteur. C'est quand même incroyable que le metteur en scène se permette de contredire l'auteur. Et je pourrais vous donner des exemples nombreux de cette teinture, mais je vois que Marie-Françoise voudrait s'intervenir. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquin, qui reçoit aujourd'hui Vincent Berteret, écrivain, et Anne Brassier, écrivain et directrice d'émission de radio. Et Vincent Berteret est maintenant aussi, à partir de demain, oui, bien sûr, le patron d'émission à Radio Courtoisie, puisqu'il dirige la nouvelle émission du libre journal de la nuit qui s'appelle Les Tréteaux de la France Courtoise et qui commence demain à 21h30. Qui sera rediffusé deux jours après et qui aura lieu toutes les quatre semaines. Un auditeur, Gramsci passe pour avoir été fusillé par ordre de Staline en URSS où il s'était réfugié. Un auditeur, je ne crois pas que Gramsci soit mort en prison. Dans la réalité, Mussolini le fit sortir de cette prison où il pouvait travailler avec ses livres. Ainsi, il put mourir dans une relative liberté. Je ne peux pas répondre à ces deux questions. Je suis sûr qu'un troisième auditeur va nous téléphoner pour nous donner les détails de la mort de Gramsci. Je suis quasiment sûr que Brecht est mort dans son lit en Allemagne de l'Est. Et Gramsci. Et Gramsci est mort en prison en Italie. Il n'est pas mort tout à fait tranquille, notre ami Brecht. Mais je pense que nous avons les exemples que nous pouvons donner de ces relectures sont très importants pour qu'on saisisse bien la vilainie. Lorsqu'on monte un opéra, ce qui m'est arrivé, j'ai eu le bonheur de monter quelques opéras dans ma vie, on a les partitions, et bien en dépit des partitions que nous avons entre les mains, qui sont faites par de grands éditeurs, nous nous rendons en bibliothèque, nous vérifions qu'à tel endroit c'est bien croche pointée double, et à tel autre les croches sont égales, on va aller voir si l'accent n'a pas été déplacé, s'il n'y a pas une syllabe qui serait dans une autre version plus proche de quelque chose qui nous apparaîtrait plus digne de Mozart, de Beethoven ou de Berlioz, etc. Et puis, sur ce travail-là, arrive un metteur en scène qui va faire n'importe quoi. Pas n'importe quoi, excusez-moi de vous reprendre, justement. Oui, c'est un projet idéologique, il ne fait pas n'importe quoi, il a un projet pervers, mais bien orienté. J'ai été puni pour où j'avais péché. Non, mais attendez, c'est important. Qui veut donner cette impression de faire n'importe quoi, mais qui n'est évidemment pas n'importe quoi. Voilà. J'aurais un exemple aussi à donner sur un autre Faust, le Faust de Berlioz. Mais vous avez cité la Veli. En 1977... C'est pas le pire. Oh, c'est un bon quand même. Hein. Oh. En 1977, Monsieur Lavelli monte Fidelio de Beethoven à la Hallograin de Toulouse. C'est un lieu un peu magique, une ancienne halle aux grains, très grande, très belle, avec le toit sur une ferme extraordinaire. Déjà, le lieu en lui-même vaut qu'on aille s'y installer. Et l'idée est très excellente, d'ailleurs, c'est Plasson qui avait voulu ça, de donner cet opéra dans ce lieu. Alors, l'opéra, en deux mots, eh bien, il faut savoir que c'est un opéra qui, au départ, prend une pièce de théâtre, qui a été écrite en France sous la Révolution. Dans cette pièce de théâtre, il y a un fait réel, historique, qui est une femme qui se déguise en homme, se fait engager dans la prison où son mari, ci-devant, a été emprisonné, et réussit à le faire s'échapper. Cette idée, c'est une très belle pièce, le nom de l'auteur m'échappe. Qui plaît beaucoup à Beethoven, qui certes n'avait pas une grande expérience conjugale, mais trouve magnifique cette expression de l'amour conjugal, fait un opéra dont on doit la majeure partie de la structure d'ailleurs à l'archiduchesse, mais... À l'archiduchesse. D'Autriche. Je parlerai de tout ça plus précisément... Un mardi soir. Oui, parce que là, c'est Brecht dont nous devons parler. Alors, je viens sur Brecht. Et dans cet opéra... Beethoven, qui n'est pas du tout révolutionnaire, toutes ses œuvres le prouvent bien, mais en musique, cette extraordinaire expression de l'amour conjugal. À la fin de l'opéra, la femme ayant réussi à approcher son mari, Deus ex machina, qu'on pardonne toujours à l'opéra, le ministre du meilleur des rois vient libérer Florestan, qui avait été emprisonné par un ministre subalterne, etc. Bon. Que fait M. Lavelli ? M. Lavelli, d'abord, fait garder les prisonniers par des SS. Et à la fin de l'opéra, arrive le ministre entouré de soldats soviétiques. Alors je lui dis, mais c'est quand même un petit peu ennuyeux. C'est quand même un petit peu ennuyeux de voir ça, parce qu'à ce moment-là, les chœurs vont chanter la gloire du meilleur, du ministre, du meilleur des rois. Et que me dit M. Lavelli ? Il me dit, mais c'est pas très grave. On mettra une grande toile sur les chœurs, on ne les entendra pas, et dessus j'écrirai « Liberté ». Je dis, mais liberté de qui ? La liberté. Voilà. C'est-à-dire transformer cet opéra qui est avant tout un hymne à l'amour conjugal, accessoirement un hymne anti-révolutionnaire, d'en avoir fait l'hymne à la gloire du Soviet suprême et de la liberté telle qu'il nous la proposait, évidemment, par leur régime communiste. En permanence, les choses sont trahies fondamentalement pour que le message fondamental disparaisse au profit de la propagande. Est-ce que vous avez vu le film de... Superbe, d'ailleurs, superbe, le film de Lozé, Joseph Lozé, sur Don Giovanni? Alors, vous voulez que je parle de ce film? Moi, je veux dire, en tout cas, comment je l'ai perçu. J'ai eu une vision un petit peu idéologique de la chose. D'abord, j'ai trouvé ça superbe sur le plan esthétique, mais je me suis aperçu que Lozé, qui était communiste, a fait une interprétation marxiste de l'opéra de Mozart. En particulier, c'est très net dans la scène superbe où Don Juan chante Liberté. Oui. Libertà. Oui. Hein, Liberté. Et à ce moment-là, la mise en scène de Lozé montre deux classes qui se font face et les paysans qui chantent Liberté, Liberté. On sent que c'est la lutte des classes. Il y a une représentation en termes de lutte des classes qui est vraiment, qui, je crois, très étrangère à l'intention du livret et à l'intention de Mozart. Enfin, c'est... Alors, d'une façon générale, chez Mozart, il n'y a qu'à écouter comment il traite les musiques militaires, en particulier dans les noces de Figaro, dans Così fan tutte. Il a toujours vis-à-vis de l'armée, il ne s'en cache pas. Il a un retrait très... Pardon ? Il est toujours en retrait vis-à-vis de cette chose-là. La révolution n'est pas quelque chose qu'il touche. Lorsqu'il donne les noces de Figaro, le personnage de Figaro est parfaitement édulcoré par rapport au en Figaro. En tout cas, la révolution bourgeoise, comme diraient les marxistes, mais pas la lutte des classes au sens de Karl Marx et de Friedrich Engels. Hein. Mais alors, ce film de Lozé, j'ai passé moi-même à ce moment-là une quinzaine de jours à Venise au moment du tournage, j'y étais envoyé par France Culture. Il y avait une grande incohérence. Une très grande incohérence, et qui fait que ce film, d'ailleurs, n'est pas un film de Lozé. Ce film, Lozé, était la plupart du temps dans un état qui ne lui permettait absolument pas de diriger quoi que ce soit. Et ce film a été fait par son assistant, qui ne manquait pas de talent, et qui est sous le pseudonyme de Salieri. Et Salieri ayant été un prétendu rival de Mozart. Et ce film était incohérent. Incohérent. Il faut bien comprendre que le Don Juan de Mozart, et ça, nous devrons faire une émission sur le Don Juan de Mozart. Et sur le mythe de Don Juan qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, qui n'est pas du tout un mythe. On a fait de Don Juan une sorte de fantasme, un homosexuel qui se refuse, je ne sais quoi. Homosexuel comme cela, excusez-moi, mais... Ça fait des dégâts. Ouais. Ça ne laisse pas beaucoup pour les autres. Ouais, vous là, franchement. Ouais. Non. Don Juan, il faut comprendre que Don Juan apparaît en plein concile de 30. Il est l'émanation. Le donjon de l'histoire, vous voulez dire. Le donjon de l'histoire. Pas le donjon de Mozart. Il apparaît dans la contre-réforme et c'est un personnage de la contre-réforme. Non, mais attendez, cher Vincent Berthereau, le donjon de Mozart, par exemple. Je ne sais pas si c'est la même chose pour le donjon de l'espagnol, mais c'est Lope de Vega, non? Tirso de Molina. Tirso de Molina, pardon. Le donjon de Molière, c'est l'archétype du libertin. Or, le libertin, c'est l'aristocrate athée, qui ne croit ni à Dieu ni à diable, mais qui a les qualités réelles ou prétendues des aristocrates de l'époque, c'est-à-dire le courage extrême et le point d'honneur. Donc, il faut représenter, si on veut être fidèle au mythe, il faut représenter Don Juan pour ce qu'il est, un personnage peut-être satanique, mais qui a la grandeur de Satan, si je puis dire, c'est-à-dire qui est courageux et qui n'hésite pas à défier Dieu. Enfin, c'est le commandeur, il affronte le commandeur, il affronte l'enfer. Eh bien, dans les mises en scène que j'ai vues de Don Juan, qui étaient musicalement superbes, la mise en scène à chaque fois représentait Don Giovanni comme une espèce de voyou, une petite frappe des banlieues. Voilà. C'était une complète dénaturation. Alors, je me permettrai de reprendre cela. si l'on veut comprendre la réalité du mythe de Don Juan, il faut savoir que ce mythe est élaboré à partir de Tirso de Molina, il passera par Mozart, il passera par Musset, il passera par pas mal d'autres... Molière. Mais surtout pas par Molière. Comment ça peut, pardon ? Surtout pas. Molière n'a rien repris du mythe. La chose qui est extraordinaire dans le Don Juan de Molière, c'est qu'il a repris du mythe deux, trois choses qui ne font pas de Don Juan ce personnage mystique que l'on trouve dans toutes les autres versions. Le Don Juan de Molière... Le Don Juan de Mozart n'est pas mystique, mais même dans le livre... Il est parfaitement, parfaitement mystique. Ah bon. Et quand il va, et quand on le brave voit... Brave Dieu. D'abord, le premier accord de l'ouverture... Brave ce, Dieu. Ce premier accord, ensuite, tous ces rythmes religieux de Noir Pointé Croche, qui sont des choses qu'on utilise particulièrement dans cette optique, et la mort de Don Juan, le tout se passe dans une vision religieuse. Lorsqu'il parle au commandeur au cimetière, lorsque le commandeur arrive et qu'il lui dit « Non l'avrai jamais creduto », quand il dit « Je ne l'aurais jamais cru, mais assieds-toi et je suis heureux de te voir et mange avec moi ». Mais en permanence, on est dans un double langage que l'on peut comprendre soit comme un langage parfaitement matériel, soit comme quelque chose de très hautement spirituel. Et tout le mythe de Don Juan, qui était, je pense au Don Juan de Lenao, à celui de Rostand, tous réfèrent à cet aspect mystique auquel Molière n'a pas du tout prêté sa plume. On est avec le Don Juan de Molière, on est dans une sorte de Tartuffe bis, un hypocrite courageux. Non, ce n'est pas un hypocrite. Non, pas le Tartuffe de Molière. C'est un libertin, c'est pas un hypocrite. C'est un... Non, il n'est pas hypocrite. Non. Enfin, bon, écoutez, non. Il, c'est vrai qu'il n'a pas cette dimension métaphysique que vous évoquez. Il n'est pas hypocrite profondément. Il est simplement menteur pour arriver à ses fins. Non, je prédis que par ailleurs, je serais le premier à dire qu'il est cynique. Il est cynique plutôt qu'il pourrait être cynique. Voilà. Mais il est quand même constamment hypocrite. La séduction dans le Don Juan de Mozart est quelque chose d'extrêmement fort, dans lequel la jeune Zerlin arrive. Et elle lui dit magnifiquement, elle lui dit « Je voudrais parce que c'est toi. » Et je voudrais pas parce que je suis en train de me marier. Bon. Alors que le Don Juan de Molière, il est là en train de parler à ses deux filles qui parlent dans un patois. Ça n'a rien à voir avec ça. Il est pas du tout en train de parler, comme il va dire dans Mozart, « Eh ben, je vais t'épouser, grosso modo, je vais t'épouser sans cérémonie. » Alors que là, on est vraiment à côté. Ce que je reprendrai vis-à-vis de cette lecture brechtienne et du Don Juan de Lozé, c'est que, en permanence, comme il veut prouver ce qu'il avait dans cette idée de marxisme, de lutte des classes, etc., il est en porte-à-faux, parce qu'à certains moments, il va être obligé de montrer Don Juan comme un grand seigneur avec des paysans qui le harcèlent. Il le fait, oui. Mais il accentue en termes de lutte des classes. C'est le grand seigneur qui exploite le peuple. Absolument, absolument. Mais au moment où Don Juan se retrouve vis-à-vis de l'au-delà, il est très embêté, parce qu'il ne peut plus parce avoir que ce pour l'osé, finalement, donne une interprétation artificielle du donjuanisme comme une espèce de prédation exercée par un aristocrate dans le peuple, un peu analogue à la théorie marxiste de l'exploitation de l'homme par l'homme et du fait que la bourgeoisie vivrait au crochet du prolétariat. C'est une certaine... Me semble-t-il. Non, c'est une métaphore. C'est la grille de lecture. La grille de lecture. C'était la conquête amoureuse est une métaphore de l'exploitation. Mais ils ont... Mais absolument. Alors là, absolument. Et la façon dont c'est représenté, qui n'a rien à voir avec la représentation habituelle de cette scène, montre qu'effectivement, il y a cet aspect prédateur. Mais quand même, l'osé, quand même, présent. dans sa mise en scène, ou celle de son assistant, peu importe, laisse à Don Juan cette grandeur du libertin que la mise en scène des opéras que j'ai pu voir dans plusieurs villes fait disparaître. Son Don Juan n'est pas une petite frappe. C'est un grand prédateur, mais pas une petite frappe. Il y a de la grandeur dans ce personnage, même si c'est une grandeur cynique. C'est sûr. Et méprisable, d'une certaine manière. Le dernier spectacle sur Mozart, l'hiver dernier, c'était un pot-pourri des airs de Mozart. Et là, nous étions dans le cadre de West Side Story, dans le Bronx, à New York, avec des barbelés, des tags sur les murs, des magasins éventrés, des clochards et des chiens qui pissait et crottait sur la scène. Donc nous avons évolué, si vous voulez, depuis Lozay. Marie-Françoise. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquin, qui reçoit aujourd'hui Vincent Berteret, écrivain et directeur d'émission, et ainsi qu'Anne Brassier, écrivain également et directrice d'émission. Un auditeur, l'invité nous parle de l'esthétique 68arde et de l'enseignement bâclé. Permettez à un auditeur de souligner ceci. En histoire des sciences et en philosophie d'histoire des sciences, Paris 1, sous la direction du professeur Canguilhem, maintenait un enseignement d'une rigueur extrême qui attirait toutes les attentions des étudiants travailleurs. Avez-vous connu cette discipline qu'est l'histoire des sciences et qui est si proche de l'esthétique? Une réponse m'obligerait. Un auditeur, je reprends Monsieur Berteret. Brecht en allemand ne veut pas dire cassure, qui se dit bruche, pardonnez-moi la prononciation, mais brillant, même racine que bright en anglais. Je ne discuterai pas loin de ma bibliothèque. Un troisième auditeur, Gramsci est mort en liberté conditionnelle. Je salue Vincent Berteret et Madame Brassier, pour lesquels j'ai une amitié toute particulière. Alors, la question qui est posée là sur... Le professeur Canguilhem. Oui, alors je n'ai pas connu ça, je n'ai pas eu cette chance-là. J'ai des études un petit peu multiples en même à cette époque-là. Et c'est une discipline qu'hélas, je n'ai pas connue. Mais c'est sûr qu'il y a eu des grands professeurs. Mais il est évident. Dieu merci, le monde n'est pas complètement noir. C'était un peu le prétexte pour les autres aussi. Oui. Hélas, si j'avais su qu'il y avait un cours de haute tenue, mais je veux dire, il y en a eu aussi, cherchons bien. Et puis les disciplines qui touchaient aux sciences sont toujours traitées avec beaucoup plus de sérieux que tout ce qui touche à l'art, à la philosophie. Il est difficile d'appliquer la grille de la lutte des classes sur les chiffres. C'est vrai que le 10 domine toujours le 1, et le 100, le 10, mais... Ça, je crois qu'on peut avoir une lecture tout à fait marxiste et brechtienne des statistiques en particulier. Je pense qu'Henri de Lesquin le dirait beaucoup mieux que moi. Surtout Paul de Vels, qui est un grand statisticien, qui était dans la première partie de l'émission. Que nous avons écouté, oui. Alors dites-moi, la distanciation, notre auditeur va finir par protester. Alors il aurait tort, parce que j'ai préparé quelque chose qui fait qu'on va aller bien au-delà de la distanciation. Mais... si vous voulez, ce que je vous propose, c'est que M. Brecht a fait un petit tableau lui-même qu'il a intitulé, dans un livre qui s'appelle « Écrit sur le théâtre », il a intitulé l'un des tableaux « Quelques-uns des déplacements d'accent par lesquels on passe du théâtre dramatique au théâtre épique ». Alors le théâtre épique, c'est le théâtre brechtien. La forme dramatique du théâtre, nous dit Brecht, est action. Et il veut que la forme épique du théâtre soit narration. Et vous faites bien, vous comprenez bien cette différence, c'est que quand le théâtre est action, cela va impliquer le spectateur dans l'action. Alors que s'il est narration, cela fait du spectateur un observateur. Brecht se plaint que ce théâtre dramatique, et je me permets de rappeler, parce qu'on entend quand même trop souvent des choses étonnantes, dramatique, ça n'a aucun autre sens que scénique, ce qui se passe sur scène. C'est un autre sens dans le dictionnaire, c'est le sens courant, ce qui est dramatique, c'est ce qui est affreux, épouvantable. Alors c'est ce qui est devenu depuis, mais quand on parle de théâtre, on ne peut pas se permettre de dire ça. Au premier sens du terme. La dramaturgie au théâtre, ça n'a rien à voir avec... les couteaux de notre grand ami Lorenzo Acciò. Un drame au sens scénique du terme n'est pas forcément dramatique au sens banal et courant du terme. Mais c'est le romantisme qui a déplacé le mot drame. Hein. Ah. Alors, est-ce que vous allez dire du mal du romantisme? Pas aujourd'hui. Mais... bientôt, demain. moi, je dis pas de mal, je fais un diagnostic seulement. Attends, nous avions cité il y a quelques semaines... Maurras, c'est un auditeur qui nous avait envoyé une citation de Maurras à propos des romantiques et des classiques, et qui disait « Les classiques, ce sont des romantiques qui ont appris leur métier. » C'est très dur. Je plaindrais toujours... Je ne suis pas maurassien. Hein. Moi non plus. Et je plaindrais toute ma vie Maurras, qui était un homme supérieurement intelligent, d'avoir vécu en un temps où il était bon de faire des mots. Et alors, ils étaient capables, dans leurs mots, de dire n'importe quoi. Alors, Maurras a quand même été... moindre en ce domaine qu'un Clémenceau ou quelques autres. Mais c'est quand même un peu tragique de voir que ces grands esprits, pour certains, je n'ai pas cité Clémenceau, que ces grands esprits, pour certains, étaient capables de s'éveiller jusque-là. Non, mais cher ami, là, nous en faisons une petite parenthèse, mais je vous signale que là, en mettant en cause les mots, et c'est à notre identité que vous en prenez, parce que cette manie, ce que vous appelez une manie de faire des mots, ça remonte au XVIIe siècle, ça remonte à la Rochefoucauld. Et les Français n'ont jamais cessé de faire des mots et de rechercher justement l'effet par le mot. Et c'est aussi l'art de la conversation qui consiste à faire des mots. Et si vous supprimez... Vous avez un esprit allemand, un esprit anglo-saxon, pas un esprit français, François Morteret. Moi qui suis quasiment un Espagnol pure race, Morteret ? Oui. Ça s'écrit R-E-T à la fin quand même. Hein. Oui, ben, on parlera de mon étymologie un autre jour. Mais je suis un Espagnol pur race, c'est-à-dire que je suis un pur bâtard. Mais on ne m'avait encore jamais à ce jour dit que j'étais un nordique. Il fallait que vous veniez ici parce que... Non mais attendez, moi je revendique hautement le droit de faire des calembours bons comme vous en avez fait tout à l'heure. Et même des calembours mauvais d'ailleurs. Alors, dans ce que je veux dire, c'est que... On peut effectivement, et je partage cette idée, dire que à la Bruyère, ou même allons prendre deux personnes qu'on cite ensemble et qui sont le jour et la nuit, et qui sont Rivarol et Champfort, ils ont fait des mots. On peut le dire comme ça, et je suis tout à fait d'accord. Il n'y avait pas cette volonté de raccourcir à certains moments dans des formules un peu bizarroïdales, avec ce systématisme. Ah voilà, on peut toujours exagérer, bien sûr. Mais c'est ça. Il y avait cette volonté d'avoir tout d'un coup un mot. Un mot d'esprit. Mais l'esprit, quand même, c'est très, très, très intimement dans la tradition française. Ah bien, heureusement, la tradition est ouverte française. Oui. Voilà. Je continue ce tableau parce que, autrement, l'auditeur va finir par nous en vouloir. Mais c'est toujours pas ce que veut dire distanciation. Alors, je continue donc. Pour Brecht, le théâtre dramatique, donc, est occasion de sentiments. Il ne veut pas de ça. Il dit que le théâtre doit obliger à des décisions. Que ce ne doit plus être la présentation d'une expérience vécue, mais que ça doit être l'expression d'une vision du monde. Que le spectateur ne doit pas être plongé dans quelque chose, mais qu'il doit être placé devant quelque chose. Qu'il ne faut pas que les sentiments soient exposés dans leur réalité, mais qu'ils mènent le spectateur, le juge en fait, à une prise de conscience. Alors prise de conscience est un mot aujourd'hui qui est très galvaudé, mais il faut quand même savoir que la prise de conscience, à l'origine, c'est le phénomène psychique profond par lequel on devient marxiste. La prise de conscience au sens marxiste, c'est ce déplacement. Là, vous décrivez un phénomène qui nous est étranger à nous quatre, enfin, je suppose. Bon, alors on fera une émission sur la prise de conscience. François, vous avez une expérience marxiste autrefois ? Non, non. Il vous en reste quelque chose, me semble-t-il. Non ? Il faut faire l'expérience en question. Non, non. Je certifie ma réponse. Ça n'a jamais été marxiste. Pas vraiment. On a beaucoup essayé. On a beaucoup essayé. Je me demande quand même. Pour être aussi anti-marxiste aujourd'hui, là, il faut vraiment que. Alors, vous avez raison de dire pour être aussi anti-marxiste, puisque ce qui est amusant quand on regarde ma bibliothèque, c'est que j'ai assez peu d'auteurs dont je partage les opinions, mais qu'elle est assez lourde de tous ceux, et c'est pour ça que j'ai de bonnes raisons de les combattre. Alors, il faudra peut-être qu'un jour, nous expliquions ce qu'est, au sens premier qu'a voulu notre ami Marx. La prise de conscience. La prise de conscience, c'est quelque chose, c'est un phénomène philosophique profond. Commencez par la distanciation, nous parlons de la nous prise de conscience. Alors, donc, en tout cas, quand Brecht parle de prise de conscience, il ne dit pas ça. Vous savez, ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience que mon verre était à moitié vide. Ben, moi, j'espère que ma conscience était quand même au-delà d'un verre à moitié vide. En deux mots, nous, chrétiens... Il est donc à moitié plein, remarquez bien. Oui, mais c'était pour me plaindre. Nous, chrétiens, nous savons que la conscience nous est donnée par le Créateur. Le marxiste n'a pas une conscience donnée puisqu'il n'y a pas de Créateur. Le marxiste doit prendre conscience. Ah ! Alors, vous n'avez pas encore prononcé le mot. Ça, c'est un grand mot. Ça, c'est une... Alors, pour le théâtre dramatique, le spectateur est à l'intérieur et il participe. Alors que, pour M. Brecht, il faut que le spectateur soit placé devant et qu'il étudie. Venez à voir, on vient vers la distanciation. Là, petit pas par petit pas, nous arrivons. Alors là, vous faites monter la tension. Allez-y. Ce qui fait que l'homme est supposé connu dans le théâtre dramatique, alors que pour Brecht, l'homme doit être objet d'enquête. Dans le théâtre dramatique, on s'intéresse à au déroulement dramatique de l'œuvre et on attend et on cherche à deviner un dénouement. Alors que pour le théâtre brechtien, c'est le déroulement qui compte. Mais attention, déroulement, on va revenir dessus. Comment ? Dans notre théâtre dramatique, chaque scène va engager la suivante. La chose coule selon une logique humaine, une logique qui touche à notre logique fondamentale. Alors que dans le théâtre brechtien, chaque scène doit être considérée pour elle-même. Parce que c'est par scène qu'on aura un impact. Dans une scène, vous aurez le patron qui fume un cigare. Dans la scène suivante, vous aurez l'ouvrier qui est malade. Ça, c'est du Brecht. Moi qui ne suis ni patron ni ouvrier, ça m'amuse quand même beaucoup. Et il le dit bien, il ne faut pas qu'il y ait une croissance organique, ce n'est pas la pièce qui se développe parce qu'elle est cette dramaturgie, mais il faut que ce soit un montage, et un montage psychologique. Et donc, de ce fait, il ne peut pas y avoir une évolution continue, mais il peut y avoir que des bons. Et tout ça mène à cette belle conclusion, qui est que dans le théâtre dramatique, c'est la pensée qui détermine l'être, alors que dans le théâtre brechtien, c'est l'être social qui doit déterminer la pensée. Attends, je ne comprends pas très bien. L'être social qui détermine la pensée, c'est la formule de Marx. Mais l'autre formule, pourquoi est-ce que le théâtre dramatique, le théâtre traditionnel, classique ou romantique, pourquoi est-ce que vous dites que c'est la pensée qui détermine l'être ? L'être du personnage fictif. Non, c'est l'être qui détermine la pensée. Il y a cette idée fondamentale dans notre pensée que l'essence précède l'existence. Et donc, on va faire cette transposition de l'essence vers l'existence dans le déroulement, dans le développement de la dramaturgie. Ouais, sauf que là, vous changez de... Registre. Vous changez de registre philosophique, oui. Non, mais alors moi, ce que je voudrais dire en termes plus simples, c'est que dans toute la littérature mondiale, jusqu'à Brecht, non compris, je parle sous votre contrôle, vous me direz si vous êtes d'accord. Le but, enfin l'idéal de l'auteur, depuis Homère, en passant par l'auteur de la chanson de Roland, jusqu'à tous les auteurs de romans ou de pièces de théâtre qui se sont succédés jusqu'à Brecht, non compris, c'est d'entraîner le lecteur ou le spectateur pour qu'il s'identifie au personnage, ou tout au moins qu'il rentre dans leur action. Et chacun d'entre nous, lorsqu'il a lu un roman ou lorsqu'il a vu un film, lorsqu'il a vu une pièce et qu'il est vraiment, il a été passionné par cette pièce de théâtre, ce roman ou ce film, eh bien, il est dedans. Il ne sait plus qu'il est un spectateur. Il vit comme les personnages. Et justement, il ne prend pas de distance. Et ce que ne veut pas Brecht, justement, c'est ce que Brecht refuse. C'est cet idéal de la perfection dramaturgique ou littéraire qui va aller jusqu'à lui. Il faut qu'à chaque instant, par des procédés de déconstruction de l'œuvre, le spectateur ou le lecteur sache qu'il est en dehors de cette œuvre, que c'est un objet qu'il examine. Mais alors, le résultat, certainement, Vincent Berthereau, Anne Brassier, c'est que ce théâtre de Brecht doit être fort ennuyeux. Alors ça, c'est un autre aspect. Bah, c'est un autre aspect. C'est la conséquence directe. C'est la conséquence. Alors, si vous voulez, vous aviez dit ça, et je veux dire, justement, vous avez cité depuis Homère, c'est que ce n'est pas nécessaire d'avoir lu l'Organon pour comprendre pourquoi on voit le théâtre, comprendre ce qui fait qu'on aime le théâtre. Et ce qui nous plaît passionnément dans ce théâtre, c'est d'abord d'avoir cet irréel qui est plus réel que le réel, c'est de savoir que, de goûter cette chose merveilleuse, qui est de se savoir trompé, mais instruit par l'artifice. C'est d'accepter cette règle du jeu qui fait que, dans le déroulement, on va être pris dans un merveilleux tout en entendant grésiller les sunlight et, pardon, je vais être un euro. Deux euros, un pour sun, un pour light. D'entendre grésiller l'éclairage et d'entendre couiner les poulies. Et on aime beaucoup tout cela et on accepte de se fondre dedans. Et c'est parce qu'on se fond dedans que tout d'un coup, comme vous venez de le dire, on va s'assimiler à la chose. On va faire, excusez-moi, le mot m'échappe tout d'un coup, là, ce déplacement de personnalité sur soi. S'identifier. Merci Anne. On va s'identifier, et c'est cette identification qui est pour nous le plus important quand on va au théâtre. Et on sait très bien qu'à la fin de la pièce, eh bien, on n'aura pas été polieux, qu'on n'aura pas été dangereux, mais on aura été mis et on aurait été amené à vivre dans cet état-là. Ça, c'est ce qui est très important. Or, Brecht ne veut pas ça, ni pour les spectateurs, il ne le veut pas non plus pour le comédien. Pour les acteurs, oui. Le comédien, non seulement ne doit pas faire corps avec son rôle, mais il le dit bien. Le comédien doit se distancier par rapport à son rôle, montrer qu'il joue un rôle et montrer qu'il le montre. Alors là, écoutez, je me rappelle très bien, peut-être l'avez-vous vu au Théâtre Montansier à Versailles, Anne Brassier, et je reviens au Don Juan, mais c'est encore le Don Juan, mais c'est le Don Juan de Molière. Dans le Don Juan de Molière, à un moment donné, les frères de Donna Elvire, je crois, Donna Anna, je ne sais plus très bien, viennent chercher Don Juan pour le tuer. Mm-hmm. Et ils sont là, sur la scène de théâtre, et ils disent qu'ils viennent venger leur honneur. Ils parlent d'honneur. Et la mise en scène de Jean-Daniel Laval, le metteur en scène directeur du théâtre Montansier à Versailles, vise à les ridiculiser. Alors, ils disent le texte, il n'y a pas de modification du texte, c'est le texte de Molière. Mais il faut imaginer que Molière, lorsqu'il représentait ses pièces devant... Les Parisiens ou devant les courtisans, les gens de la cour de Louis XIV, ils ne ridiculisaient pas le sentiment de l'honneur. C'était quelque chose avec lequel on ne plaisantait pas à l'époque. Eh bien, la mise en scène de Jean-Daniel Laval dénature complètement la pièce. C'est un peu comme l'Avelli à propos de Faust, mais je dirais que c'est pire parce que c'est pour un texte de Molière qui est encore plus grand et plus beau. Eh bien, il ridiculise par sa mise en scène. Il porte atteinte au sentiment de l'honneur. Ça, c'est vraiment très, très mal. Vous ne trouvez pas Non, mais vous savez bien que l'honneur est une notion très dépassée, vous direz. Oui, mais peut-être, mais... Non, je ne suis pas du tout d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est bien sûr, que le metteur en scène ait la modestie de se plier, de s'incliner devant les intentions de l'auteur, C'est ça qui est terrible, c'est l'inversion. Non, mais là, vous demandez. Nous parlons de la rupture. Mais il y a aussi une inversion de hiérarchie entre le metteur en scène et l'auteur. Ce n'est plus le metteur en scène qui est au service de l'auteur, c'est l'auteur qui est au service de la mise en scène. Ah non, mais c'est clair. Or, le plus extraordinaire derrière cette affaire-là, c'est qu'on nous dit, on voit tous nos braves Parisiens ou Versaillais se rendre et crier au génie et dire « Ah, quelle imagination !» Alors que justement, ils ont fait preuve de non-imagination. Ils ont besoin des œuvres des autres pour pouvoir les modifier, pour pouvoir les trahir. Alors nous avons réfléchissé aux quelques mots de conclusion que vous aurez le droit de dire à la fin, si vous êtes gentil, Anne Brassier, Vincent Berteret. Là, nous avons à faire quelques annonces, et même... 5 annonces d'événements qui vont se produire bientôt. Et nous devons lire aussi la chronique du courrier des auditeurs préparée par Paula. Alors je commence par les annonces. Je vous annonce 2 procès. Un procès, c'est aussi une pièce de théâtre, vous savez. Ah ben, c'est même brechtien. C'est assez brechtien. Mais là, c'est naturellement brechtien, c'est normalement brechtien. Alors, je vous annonce 2 procès. Je vous rappelle d'abord le procès de Jules Leveugle, dont nous parlions tout à l'heure. Jules Leveugle contre... Jean Eisenstadt, procès sur la théorie de la relativité, mercredi 31 octobre 2007, mercredi 31 octobre, à 13h30, à la Cour d'appel de Paris, 11e chambre correctionnelle, Palais de justice de Paris, 4 boulevard du Palais, 1er arrondissement. 2e procès, le procès de l'avortement à Versailles, enfin un des procès de l'avortement, c'est le procès d'Étienne Pinte, maire député RPR de Versailles, ou UMP si vous préférez, contre Anne-Laure Mahler, présidente du COVERVI, le comité versaillais pour la défense de la vie humaine innocente et de la famille authentique, qui a lieu donc le lundi 19 novembre 2007 à 14h, 6e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles, 5 place André Mignot, à Versailles, dans le département des Yvelines. Étienne Pinte poursuit Anne-Laure Mahler, présidente du COVERVI, parce qu'elle a rappelé qu'il avait voté l'avortement en 1974 et qu'il était resté fidèle au droit d'avorter librement. Troisième sujet, la marche pour la vie. Alors, je ne sais pas si Marie-Françoise a gardé le prospectus de la marche pour la vie. C'est la 10e marche pour la vie organisée par Renaissance catholique qui a lieu le samedi 13 octobre 2007. Rendez-vous à 17h30 devant Notre-Dame des Victoires, métro Bourse. Et ensuite, il y a donc une procession, une marche au flambeau de 5 km. Et puis, le dimanche 2 décembre, c'est la fête du livre de Renaissance catholique, qui a lieu à Villepreux. Alors d'ailleurs, nous retrouvons notre ami Étienne Pinte, le sinistre Étienne Pinte, qui est donc maire député RPR de Versailles, puisque si la fête du livre de Renaissance catholique à laquelle vous avez participé, oui. Souvent, oui. Souvent, Anne Brassier, vous aussi, oui, bien sûr, oui. A lieu à Villepreux et non plus à Versailles, c'est parce que Étienne Pinte a demandé au Palais des Congrès de ne plus recevoir Renaissance catholique, ce qui est absolument scandaleux. J'ai d'ailleurs protesté au Conseil municipal vivement contre cette intrusion totalement choquante. Et puis, je voudrais aussi que Marie-Françoise annonce la 23e anniversité annuelle du Club de l'Horloge. Oui, qui portera sur le thème « Les collectivistes contre l'environnement, les véritables enjeux du débat écologique ». Cette université se déroulera les samedis 13 et dimanche 14 octobre 2007 dans les bâtiments de l'ACIEM, 6 rue Albert de Lapparent, Paris 7e. Alors, si vous voulez vous inscrire, il faut téléphoner au Club de l'Horloge 01 42 94 14 14. 01 42 94 14 14. Le commentaire du carton est le suivant. Faut-il craindre un réchauffement climatique? Faut-il un gouvernement mondial pour sauver la planète? L'industrie est-elle coupable? Faut-il revenir à la nature? Faut-il étouffer le droit de propriété pour préserver l'environnement? Faut-il un ministère du développement durable? Les écologistes distillent la vérité. Voilà un débat qui s'annonce, je pense, fort intéressant. Bien, et nous allons maintenant, si vous le voulez bien, Marie-Françoise, lire les extraits du courrier des auditeurs. Un couple d'auditeurs de Lasson, dans le Calvados, qui envoie 120 euros. Voici venu le moment de payer notre cotisation à notre radio courtoisie. Vous le méritez beaucoup, car vous êtes la seule radio à parler vrai. Quel ennui profond dans le paysage audiovisuel, sauf une petite voix, celle de Radio Courtoisie. Vous êtes le levain dans la pâte et elle est en train de monter. Continuez courageusement, nous vous soutenons. Un auditeur de Paris qui envoie 50 euros. Que Radio Courtoisie continue à nous informer, car elle est la seule qui dise la vérité. Une auditrice de Paris qui envoie 60 euros. J'aimerais tant vous donner beaucoup d'argent. Mais depuis cette année, je suis à la retraite. Il me reste juste de quoi vivoter. Tant pis. Radio Courtoisie entre dans mes priorités avec le loyer. Je vous envoie donc ma modeste bolle. Mes félicitations pour la qualité de vos émissions. J'ai toujours l'impression d'apprendre de nouvelles choses. J'ai deux postes radio branchés sur votre station jour et nuit. Et je ne peux plus m'en passer, c'est une vraie drogue. Je voudrais venir à la fête de la langue française avec des amis. Pouvez-vous m'envoyer un bulletin de vote pour le prix Jean Ferret? Je pense souvent à Jean Ferret. Je prie pour son âme comme je le fais pour quelques amis que j'ai perdus. Le vide ne se comble pas. Les amis ne se remplacent pas. Ils sont toujours dans nos cœurs. À bientôt donc, à la fête du 10 novembre. Je pense que cette dame maintenant va aussi prier pour notre cher ami Serge de Bekech. Un auditeur de Versailles qui envoie sa troisième cotisation 2007, 100 euros. Avec tous mes vœux pour la réalisation de vos projets et mes remerciements pour la poursuite de votre action. Une auditrice d'Anières qui envoie 100 euros. Voici ma deuxième cotisation supplétive pour vous encourager et vous remercier très sincèrement. Un auditeur de Paris qui envoie 60 euros. Voici ma cotisation pour faire vivre Radio Courtoisie. Merci pour vos émissions variées et instructives qui tonifient. Un auditeur de Pende ou Pinde dans la Somme qui envoie par Internet 100 euros. Voici ma cotisation 2007 pour l'excellent travail que vous réalisez avec mes meilleurs sentiments à toute l'équipe. Une auditrice de Saint-Maurice qui envoie 100 euros. Je suis vraiment désolée de n'avoir pu, comme d'habitude, vous faire parvenir cet été ma deuxième contribution annuelle et de ne pouvoir faire mieux. Je suis heureuse que le renouvellement de l'autorisation des maîtres ait été accordé et je souhaite que notre chère radio soit écoutée de la France entière. Merci à tous pour votre immense dévouement et caresse à Praline. Praline, c'est la chatte, la petite chatte qui est la mascotte de Radio Courtoisie. Une auditrice de Noisy-le-Sec qui envoie 40 euros. Pour que votre radio continue. Une auditrice de Paris qui envoie 100 euros. Je tiens absolument à renouveler encore cette année ma cotisation à Radio Courtoisie. Je vous remercie pour un grand nombre de vos émissions, entre autres celles de messieurs Cabane, Griotteret, Sainte-Marie, Lugan, madame Claude Giraud, les pionniers de la bande FM, sans oublier celle du lundi soir à 18h. Longue vie et prospérité à Radio Courtoisie. Un auditeur de Créteil qui envoie 200 euros. Après le versement de mai, voici celui d'octobre. Avec les meilleurs sentiments à toute l'équipe d'un auditeur de la première heure et qui compte bien le rester jusqu'au bout de sa vie déjà longue. Une auditrice de Sceaux qui envoie 120 euros. Monsieur de Lesquin a raison de rappeler à l'ordre ses fidèles amis. Nos cotisations sont absolument nécessaires à la survie de Radio Courtoisie, toujours menacée. Je me dépêche donc de vous envoyer ma quote-part, juste avant d'être plumé par le fisc des impôts locaux. Merci pour vos passionnantes émissions. Un auditeur de Vincennes qui envoie 400 euros. Voici ma cotisation du deuxième semestre. Avec mes remerciements à toute l'équipe de Radio Courtoisie pour avoir maintenu avec courage et fidélité l'œuvre de notre cher Jean Ferret. Alors, je voudrais faire quelques commentaires sur ces lettres. Vous pouvez aussi, bien sûr, Vincent Berteret, Anne Brassier, faire les vôtres. Mais il faut savoir que Radio Courtoisie subit une nouvelle épreuve avec la mort de Serge de Bekech. La mort de Jean Ferret a été un coup terrible, mais celle de Serge de Bekech, évidemment, aussi d'une autre manière. Et Serge de Bekech, pour beaucoup d'auditeurs, c'était la voix par excellence de Radio Courtoisie. Bien entendu, il était inimitable, il avait son style, il avait ses idées, etc. Et il était impossible d'être d'accord avec tout ce qu'il disait à 100%, mais il avait une passion d'affirmer ce qu'il pensait, vous l'avez dit vous-même, Vincent Berteret, qui fait qu'il était d'une certaine manière l'âme de Radio Courtoisie. Et nous sommes vraiment très éprouvés, et je voudrais que nos auditeurs comprennent que Radio Courtoisie doit non seulement, bien entendu, survivre à Jean Ferret et à Serge de Bekech, mais qu'elle doit, ne serait-ce que par fidélité à leur mémoire, continuer d'exister et se développer. Mais d'ailleurs, dans le bobino que vous avez fait passer tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, nous avons entendu avec une émotion intense parler Serge de Bekech, et pour lui, l'avenir faisait partie absolument. Voilà. Je voudrais que ces quelques minutes très, très émouvantes de Serge de Bekech qu'il a dites le 3 septembre dernier dans mon émission à l'occasion de la réautorisation de Radio Courtoisie à Paris, eh bien soit rediffusées cette semaine à de nombreuses reprises pour que tous les auditeurs puissent l'entendre. Je crois que c'était le testament spirituel radiophonique de Serge de Bekech et qu'il nous a demandé, enfin qu'il demande aux auditeurs, qu'il demande aussi aux responsables de la radio, à tous les responsables, et d'abord aux patrons d'émission comme vous, Vincent Berteret, comme vous, Anne Brassier, et aux collaborateurs bénévoles comme vous, Marie-Françoise, de continuer Radio Courtoisie. Alors, il est irremplaçable, hein, Serge de Bekech, c'est parfaitement vrai. Il n'y a personne qui puisse exactement faire comme lui, mais nous allons continuer dans le respect de ce que Jean Ferret et Serge de Bekech ont voulu faire. Et pour parler de Serge de Bekech particulièrement, je dirais que ce qui m'a frappé en lui, c'était son courage dans la volonté de refuser le politiquement correct, l'impertinence de l'homme de droite qui refuse de se soumettre aux diktats de la gauche. Et c'est lui qui, plus que quiconque, a porté ce courage au sommet. On pourrait, j'ai trouvé sur Internet ce matin une réponse à une question sur un site catholique royaliste. Vous vous engagez avec beaucoup d'énergie et de courage, tant dans vos émissions sur la radio que dans votre décadère, le Libre Journal. Est-ce un baroud d'honneur ou croyez-vous encore à la possibilité d'une victoire sur la décadence et l'abrutissement actuel ? Et Serge de Bekech répondait : si on ne se battait que quand on est sûr de la victoire, ça manquerait de panache, non ? Je ne me pose pas la question. Je fais ce que j'ai à faire à la place où je suis. Quand on est dans une barque au milieu d'un lac d'excréments, on a deux solutions. Éviter de remuer en espérant s'habituer à l'odeur ou ramer en se disant que, bien sûr, ça pue un peu plus, mais qu'on en verra peut-être le bout. Chacun a sa méthode. La mienne, c'est de ramer. Alors, chers auditeurs, Nous continuerons donc à ramer. Absolument, c'est très juste. Alors, cher Vincent Berteret, vous avez rappelé que Serge de Bekech nous appelait à continuer. Il a aussi dit dans son intervention du 3 septembre, il a aussi dit que depuis un an, nous avions combattu victorieusement les ennemis de la radio qui sont déchaînés, les fameuses officines dont parlait Jean Ferret. Eh bien, il faut que vous sachiez que, en cette période de deuil renouvelé, les officines pensent que nous sommes affaiblis et nous attaquent encore plus violemment, en utilisant tous les procédés les plus infâmes. Alors, il y a ceux qui disent, mais vous savez, il combattait Serge de Bekech de manière ignoble, il en parle dans son intervention, ils disent maintenant, ah oui, mais non, Serge de Beketch était parfait, mais la mort de Serge de Beketch, c'est la mort de la radio. Ils essayent de faire passer ce message qui est exactement une manière de dénaturer. Enfin, ces gens-là sont ignobles. Il les a d'ailleurs dénoncés comme tels dans sa propre intervention et à de nombreuses reprises dans ses écrits, dans ses interventions orales. Il faut que vous nous aidiez à faire face. Sachez que dans l'espérance de la réautorisation que nous demandions au CSA et que nous avions obtenue le 3 septembre, occasion de cette intervention de Serge de Beketch, les auditeurs, vraiment, de nombreux auditeurs ont fait un effort financier considérable qui nous a permis de rembourser nos dettes et de repartir. J'observe, et je vous le dis franchement, chers auditeurs, que depuis le 3 septembre, il y a une chute considérable des versements, des cotisations, des dons. Et je vous signale que s'il n'y a pas de redressement, eh bien, il faudra s'interroger sur l'avenir de la radio. C'est extrêmement important. Sachez que la radio est un miracle permanent et que rien n'est gagné jamais un jour. Rien n'est gagné en un seul jour. Il faut constamment vous rappeler, chers auditeurs, que sans votre aide permanente, eh bien, Radio Courtoisie, qui ne vit que de vos cotisations ou de vos dons, ne pourra tout simplement pas exister. Alors, si vous n'êtes pas à jour de vos cotisations, si vous êtes encore un auditeur clandestin, si je puis dire, c'est-à-dire si vous n'êtes pas encore adhérent de notre association, et je suis obligé de dire avec tristesse que la majorité des auditeurs, et même encore la grande majorité, ne sont pas encore adhérents, j'espère que ça changera un jour, mais pour l'instant c'est bien le cas, statistiquement parlant, vous parlez de statistiques, eh bien, si vous ne faites pas un effort, si vous n'êtes pas plus nombreux à faire un effort, eh bien, la radio ne pourra pas survivre, en tout cas ne pourra pas se développer, car nous avons besoin de développer la radio, notamment en province. Il faut obtenir des autorisations en province, il faut nous développer par le satellite, il faut nous développer par Internet. Tout cela demande de l'argent, nous avons besoin davantage de ressources que celles que nous avons depuis le 3 septembre. Et je vous rappelle que vous pouvez payer votre cotisation par chèque, envoyé au 61 boulevard Murat, Paris 16e, par virement automatique, en demandant la formule à la même adresse, par Internet, sur le site de la radio www.radiocourtoisie.net. Le montant des cotisations est toujours de 40 euros pour permettre à presque tous d'adhérer. Mais le montant minimum idéal est au moins de 120 euros, qui est celui de la redevance audiovisuelle. Je vous rappelle, chers auditeurs, que début 2008, vous recevrez le reçu fiscal correspondant à l'ensemble des dons ou cotisations que vous aurez versés en 2007 et que l'État vous remboursera 66%, les deux tiers. Voilà, je vous rappelle également le prix Jean Ferret. Envoyez-nous une enveloppe timbrée libellée pour recevoir votre bulletin de vote. Je vous ai dit pour qui je votais tout à l'heure, vous savez. Oui, je sais, moi aussi. Et vous voterez aussi? Bien sûr. Vous voterez aussi pour Serge de Beketch? Bien sûr. Alors, Serge était un fantastique. Ne nous accusons pas de faire une pression amicale sur les auditeurs, et honnêtement, vous qui avez lu, alors vous l'avez entendu, mais vous l'avez lu. Serge était un Beketch, remarquable écrivain. Oui. À l'oral, il se permettait parfois des licences avec la langue française, mais quand il écrivait, c'était vraiment un style flamboyant. Voilà, envoyez-nous une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets de réservation, ainsi qu'un chèque de 50 euros par couvert, et venez nombreux. Ce sera à l'occasion du 20e anniversaire de Radio Courtoisie, 7 novembre 1987, première émission. Vous y étiez, Anne Brassier, la première émission? J'ai fait la première émission avec Serge. Vous vous rendez compte? Anne Brassier, ici présente, était là le 7 novembre 1987, avec Serge de Beketch, pour la première émission. Et donc, le samedi suivant, le 20e anniversaire, samedi 10 novembre à midi, à la Maison de la Mutualité, nous célébrerons, et dans la joie quand même, de savoir que ça continue, même si nous serons évidemment encore sous le choc et dans la peine de cette grande perte que représente pour nous tous la mort de notre ami, notre cher ami Serge de Beketch, eh bien, nous serons nombreux à la Mutualité, venez nombreux, à la Maison de la Mutualité, 24 rue Saint-Victor, métro Maubert, Mutualité. Voilà, est-ce qu'il vous reste... Il nous reste une minute, vous avez donc 30 secondes chacun pour nous dire, sur Brecht, à moins que vous préfériez rester... On peut peut-être quitter Brecht. Quitter Brecht. Oui, ce n'est pas ma tasse de thé non plus. Non, je préfère que la dernière pensée, en tout cas à cette table ce soir, soit encore pour Serge. Encore pour Serge Beketch. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, chers amis auditeurs, rendez-vous à mercredi prochain. Rendez-vous mercredi prochain pour l'émission qui sera consacrée de 18h à 21h. Elle sera rediffusée le lendemain matin et aussi à 2h du matin. Ce sera le dernier livre journal de Serge de Beketch, qui sera un livre journal posthume, et nous, pendant 3 heures, nous retracerons sa carrière. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. Vous venez d'entendre le libre journal d'Henri de Lesquin, qui était assisté de Marie-Françoise. Cette émission a été diffusée en direct le lundi 8 octobre de 18h à 21h,